Chapitre 6e, Journal de Clément. Je termine aujourd'hui un volume du journal sommaire, imparfait et décousu, que je tiens de mon existence. Tout en feuilletant le volume, je m'étonne de tant de travail perdu, ces notes, jetées au hasard, fréquemment séparées par de longs intervalles, sont en somme une assez pauvre littérature. À quoi sert cette manie de tenir un journal? Pourquoi ce récit d'une existence des plus vulgaires? Est-ce pour ma propre édification? Est-ce dans un but de progrès moral? Il est bien rare que je relise ces notes dénuées d'intérêt, et je doute fort que la postérité se soucie de savoir que je suis allé au bureau à 10 heures du matin, le mercredi, que je n'ai pu trouver de place dans l'omnibus, ce qui m'a obligé à prendre une voiture qui m'a coûté 2 shillings, que j'ai dîné en tête-à-tête avec ma mère, et que le soir j'ai terminé la lecture du 3e volume de la Révolution française de Carlyle. À quoi pourra jamais servir un journal comme le mien? Quelque célèbre Nouveau-Zélandais de l'avenir découvrira-t-il un jour ces volumes dans les ruines de Clapham? Et me citera-t-on comme le pépis du 19e siècle? Mais je suis bien loin de la haute saveur du monde d'un petit commis d'État. Peut-être l'époque dans laquelle je vis manque-t-elle des épices et de l'assaisonnement de cet âge d'or de la corruption, pendant lequel les jupons blancs de Lady Castlemaine pouvaient être aperçus flottant à tous les vents par le premier flâneur frivole, qui s'avisait de prendre des notes sur ses vêtements. Quoi qu'il en soit, c'est une habitude puérile et surannée à la fois que cette manie d'un journal quotidien, et je ne puis m'empêcher de penser que ce fameux pépis devait être un vieux garçon gâté. Aujourd'hui, cependant, j'ai consigné autre chose que les courses en voiture, les omnibus complets et le titre d'un ouvrage favori. Dernièrement, ma mère et moi nous avons eu nos habitudes dérangées, bouleversées de fond en comble par l'arrivée d'une demoiselle. C'est une demoiselle excessivement jeune, car elle est encore séparée par une longue période d'une époque qu'elle semble considérer comme la plus enviable et la plus solennelle de son existence. Elle n'a pas encore 13 ans. Il s'en faut encore de 2 longues années pour qu'elle soit une jeune personne. Elle est la fille unique de ma sœur unique, Marianne Lester, et elle est récemment arrivée de Sydney, où ma sœur et mon beau-frère sont établis depuis 12 ans. Mademoiselle Elizabeth Lester fait partie de la famille depuis le 1er juillet et n'a pas cessé depuis cette époque de se familiariser avec ma mère et avec moi. C'est une assez jolie enfant dont la chevelure blond cendrée pend en lourde tresse sur sa nuque. Détail fort intéressant pour le Nouveau-Zélandais curieux de connaître les mystères de la coiffure juvénile au 19e siècle. Elle est douée d'un excellent caractère et ma mère l'adore. Pour moi, je me résigne graduellement à l'idée d'avoir 33 ans et d'être l'oncle d'une jeune nièce qui joue des variations sur Non più mesta. Ce Non più mesta m'amène à parler d'un personnage nouveau dans le cercle de mes connaissances, d'un personnage qui n'a pas paru une seule fois dans le volume que je viens de terminer, mais qui, dans l'intervalle de 6 semaines, entre mon dernier récit et celui que je commence aujourd'hui, m'est devenu aussi familier que le plus vieil ami de ma jeunesse. Non più mesta, j'entends ma nièce qui écorche cet air que je connais si bien, dans le salon qui est au-dessous de ma chambre, et pendant que j'écris ces lignes, cette mélodie évoque l'image d'un visage pâle et doux et d'un regard noir et profond comme celui de la colombe. Je ne m'étais jamais rendu compte de la quantité d'objets de toute espèce, nécessaires à une femme, avant le jour où une voiture déposa à notre porte la personne de ma nièce accompagnée de ses mâles. Mademoiselle Elizabeth Lester me parut avoir besoin de tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou désirer. Elle avait grandi pendant la traversée, ses robes étaient trop courtes, ses bottines trop petites, ses chapeaux ne lui tenaient pas sur la tête et pendaient d'une façon lamentable sur ses épaules. Il lui fallait des ombrelles, des brosses à cheveux, 1000 et 1 colifichets mystérieux ornés de mousseline et de dentelle, des cahiers, des plumes, de la pommade, des crayons, des spécimens géologiques pour ses études, et des centaines d'autres objets dont les noms seuls sont un mystère pour moi. Enfin et surtout, il lui fallait une maîtresse de piano. On disait que l'enfant était d'une jolie force sur cet instrument, et ma sœur tenait à ce qu'elle continuât ses études sous la surveillance d'une maîtresse capable et qui ne prendrait pas trop cher. Ma sœur Marianne soulignait cette dernière condition. L'achat et la confection des colifichets absorbèrent entièrement ma mère, qui s'empressa de me confier le soin de trouver une maîtresse de piano pour Mademoiselle Lester. Je me mis à l'œuvre de la manière la plus simple. Je consultai les journaux quotidiens, mais je lus un si grand nombre d'annonces faites par des dames qui se disaient accomplies dans l'art de la musique, que je me trouvais confus et embarrassé de l'étendue de mes ressources. Je me décidai à voir ces dames l'une après l'autre, et profitant des belles soirées d'été, je me rendis chez elles après les heures du bureau, quelquefois avec ma mère, quelquefois seule. Il est possible que je sois déjà un vieux garçon, un de ces êtres odieux et d'une sensibilité outrée qu'on appelle maniaque, je ne sais. Mais quoi qu'il en soit, je ne pus trouver le professeur qui convint réellement à ma petite Lizzie. Quelques-unes de ces dames étaient âgées et sévères, d'autres jeunes et frivoles, d'autres enfin n'avaient pas d'opinion bien arrêtée sur la prononciation de la lettre H. Une jeune personne déclara qu'elle préférait la musique à quoi que ce soit au monde. Certaines possédaient beaucoup trop d'enthousiasme et se montraient disposées à adorer ma nièce après la troisième minute. Le plus grand nombre, très convenable sous tous les rapports, demandait un prix plus élevé que celui que je voulais donner. Il arriva donc en somme qu'après une semaine, je ne me trouvais pas plus avancé que le jour où j'avais consulté pour la première fois le supplément du Times. Dans une situation plus gênée que la nôtre, nous eussions été plus faciles à contenter. Mais ma mère prétendait que, puisqu'il y avait tant de choix, nous ferions sagement de réfléchir avant de prendre une décision. La conséquence fut que, au moment où je sortis pour faire une promenade du soir à la fin de la seconde semaine de juillet, Mademoiselle Lester n'avait pas encore de professeur. Elle n'avait pas encore de professeur, mais j'étais fatigué de faire passer les faiseuses d'annonces sur la sellette. Ce soir-là, je sortis donc pour faire une excursion solitaire dans les tranquilles faubourgs de Surrey, parmi les chemins déserts, entrecoupés de terrains vagues, où les entrepreneurs de bâtisses n'avaient pas encore mis le pied. C'était une charmante soirée. Moi, qui suis assez cockney pour croire qu'un coucher de soleil à Londres est un des plus beaux spectacles de l'univers, je me dirigeais vers le couchant et je traversais Wandsworth Common, où de légers tourbillons de poussière pourpre s'élevaient des fossés, et au milieu duquel un âne abandonné troublait le calme de l'heure crépusculaire par un braiement plaintif. Ce soir-là, Wandsworth Common était aussi désert que les sables de l'intérieur de l'Afrique. Cet endroit me plaisait à cause de sa tranquillité et de sa solitude, car je suis porté à la rêverie. Je dis que je suis porté à la rêverie et cependant j'ai peu de motifs de rêver. Mes pensées étaient agréables pendant cette promenade par un beau coucher de soleil, et cependant, aujourd'hui, je me demande avec étonnement ce qui avait pu me mettre ainsi du rose dans l'imagination. Je ne sais à quoi je songeais en revenant à la maison sous la clarté bleuâtre de la lune qui se levait et qui faisait étinceler son croissant pâle et délié dans un ciel sans nuages. J'entrai dans la petite ville de Wandsworth. Je parcourus l'antique rue haute, cette bonne vieille rue qui me fait penser à un tableau de l'école flamande. Toutes les nuances sont brun foncé, néanmoins la lumière et la chaleur y abondent. Les lumières commençaient à briller çà et là aux fenêtres, et ce soir-là, il me sembla voir des fleurs épanouies à toutes les ouvertures. Je parcourus nonchalamment la rue, m'arrêtant aux devantures de boutiques sans but, sans motif, en songeant. À quoi rêvais-je ce soir-là? Comment se faisait-il que le monde ne me semblait pas ridicule et vide? Pendant que je regardais l'une de ces boutiques, celle d'un papetier, sorte de petit bazar dans son genre, mes regards furent attirés par le mot « musique ». Et sur une petite carte pendue à l'intérieur, je lus qu'une dame offrait de donner des leçons de piano, en ville ou chez elle, à des prix très modérés. Le mot « trait » était souligné. Il me parut que ce mot souligné avait un aspect lamentable et qu'il semblait implorer. L'annonce était écrite d'une main féminine, d'une jolie écriture élégante et lisible, ferme et cependant gracieuse. Je me trouvais dans une position d'esprit toute nonchalante, tout disposé à me laisser mener où le vent me pousserait. Je pensais que je pourrais faire servir ma promenade à quelque chose en rendant visite à la propriétaire de l'annonce. Il était probable qu'elle ne satisferait pas mes idées de perfection plus que les autres, mais au moins, je retournerais à la maison avec la conscience d'avoir fait un nouvel effort pour trouver un professeur à ma nièce. L'adresse portée sur la carte était numéro 3, Godolphin Cottage. Je demandai à la première personne venue de m'indiquer Godolphin Cottage. On me dit de prendre la deuxième rue à droite. J'arrivai dans une espèce de petite ruelle ou de chemin de communication où se trouvaient quelques petites maisons de construction ancienne et indépendantes les unes des autres, abritées par une rangée de sycomores et protégées par des grilles en bois. J'ouvris la petite porte de la troisième maison et pénétrai dans le jardin, une miniature dans son genre, qui possédait une pelouse et une allée circulaire sablée et qui était ornée dans un angle d'une grotte de coquillages et de pierres moussues. Sous un arbre, il y avait un banc rustique. Je trouvai à cet endroit une jeune femme assise et lisant dans le demi-jour qui baissait rapidement. Elle tressaillit au bruit de mes pas sur le sable et se leva, rouge comme une des pivoines qui s'épanouissent à côté d'elle. Cette rougeur lui seyait d'autant plus qu'elle était naturellement pâle. Je reconnus ceci presque immédiatement, car la rougeur disparut graduellement pendant que je lui parlais. « Je demande une dame qui donne des leçons de musique, » dis-je. « Je viens de voir à l'instant une carte dans la rue Haute, et comme je cherche une maîtresse de musique pour ma nièce, j'ai profité de l'occasion pour venir jusqu'ici. Mais peut-être suis-je indiscret à cette heure-ci ? » J'ignore pourquoi je l'excusais de la sorte, puisque je ne m'étais pas excusé auprès des autres dames chez lesquelles je m'étais présenté à des heures indues. Je crains bien que j'eus la faiblesse de me sentir troublé par la beauté mélancolique de ce jeune visage et que mon aplomb disparut sous l'influence de ses beaux yeux noirs et pensifs. Ce visage est si beau, que j'en vois sans cesse les moindres traits. Cependant, je ne connaissais pas encore les mille expressions changeantes qui le font toujours aussi nouveau pour moi que le soir où il m'apparut pour la première fois. La décrirais-je, cette femme que je connais depuis un mois à peine et qui remplit le monde entier pour moi lorsque je pense à elle. Et j'y pense sans cesse. La décrirais-je pour le plaisir du Nouveau-Zélandais, quand la meilleure description doit rester fatalement si fort au-dessous de la radieuse réalité, et quand l'action de résumer sa beauté par des mots vulgaires et rugueux paraît en quelque sorte un sacrilège contre la sainteté de cette perfection. Oui, j'essaierai. Non pas pour le plaisir du Nouveau-Zélandais, qui aura sans doute une idée nouvelle et extraordinaire de la perfection féminine, et qui peut-être exigera le nez bleu et la chevelure verte dans ce type de la beauté parfaite. J'essaierai, parce qu'il m'est doux de m'arrêter sur cette image et de représenter cette image, chère à mon cœur, par des paroles, si incomplètes qu'elles soient. Si j'étais peintre, comme Claude Melnotte, je ne peindrais que son image. Si j'étais poète, je couvrirais des rames de papier de chants passionnés inspirés par sa beauté. Mais comme je ne suis qu'un simple caissier dans une maison de banque, je ne puis que lui élever un autel dans les pages banales de mon journal. J'ai dit qu'elle est pâle. Elle a cette pâleur de l'ivoire qui accompagne parfois les yeux noirs et les chevelures brunes. Les yeux sont de ce noir si rare, de ce noir à reflets dorés dont l'expression est si séduisante. Leur couleur ne varie pas, mais leur expression varie à chaque émotion. Au repos, ils reflètent une sincérité mélancolique, une gravité pensive qui parle éloquemment des ombres qui sont venues assombrir cette existence. Les cheveux, séparés en deux bandeaux sur le plus beau front du monde, sont de la même nuance que les yeux et ondulent naturellement. Pour les autres traits du visage, je renverrai mon Nouveau-Zélandais au tableau des vieux maîtres italiens, dont sans doute il possédera une belle collection. Car c'est seulement sur les toiles de Raphaël Sanzio d'Urbino, du Titien et de leurs dignes élèves, qu'on peut retrouver cette harmonie exquise, cette pureté des formes, et cette tendre délicatesse des contours que je contemplais ce soir-là sur le visage de Margaret Wentworth. Elle s'appelle Margaret Wentworth. C'est ce qu'elle me dit lorsque je lui eus expliqué, d'une manière diffuse, qui j'étais, et comment il se faisait que j'avais besoin de ses services. Pendant cette entrevue, il est probable que sa présence m'avait grisé par une influence subtile et mystérieuse, plus puissante que les fumées de l'opium ou le suc des fleurs de lotus. Je sais seulement qu'après 10 minutes de conversation, pendant lesquelles elle garda un calme parfait, je rouvris de nouveau la petite porte du jardin, très embarrassé d'une main par le loquet et de l'autre par mon chapeau, et que je sortis de ce paradis de 24 pieds carrés pour me retrouver sur le chemin poudreux. Je devins radieux chez ma mère et lui dis que j'avais enfin réussi à trouver une dame qui satisfaisait à toutes les exigences et qu'elle devait venir le lendemain matin à 11 heures pour donner sa première leçon. Mais je me trouvais quelque peu embarrassé quand ma mère me demanda si j'avais entendu un morceau, si j'avais demandé le prix, si j'avais pris des renseignements sur la moralité, les capacités du professeur, et ainsi de suite. Je fus obligé d'avouer à ma confusion que je n'avais rien fait de tout cela. Alors ma mère me demanda comment il se faisait que je gardais la jeune dame comme remplissant toutes les conditions désirables. Cette question augmenta mon embarras. Je ne pus dire que je l'avais engagée parce qu'elle avait des yeux noirs et les cheveux de la même nuance, pas plus que je ne pus avouer que j'avais jugé de ses qualités de professeur à la ligne exquise de ses sourcils. Aussi, dans ce dilemme, j'eus recours à un expédient jésuitique dont je ne tirais pas une mince vanité. Je dis à ma mère que la tête de Mademoiselle Wentworth était magnifique au point de vue phrénologique et que les organes de l'harmonie y étaient développés à l'extrême. Je me sentis honteux quand ma mère récompensa ce mensonge par un baiser et déclara que j'étais un garçon d'une habileté accomplie, et un si bon juge, qu'elle se confierait plus volontiers à un étranger recommandé par moi qu'à l'expérience de toute autre personne. Après cela, je n'avais plus qu'à laisser faire le hasard, et lorsque le lendemain soir je revins de la cité, mon esprit était beaucoup moins occupé des événements commerciaux du jour que des probabilités d'habileté de la jeune femme comme professeur de piano. Ce fut avec un air de suprême indifférence que je demandai à ma mère si Mademoiselle Wentworth lui avait plu. « Si elle m'avait plu, s'écria l'excellente femme, mais Clément, savez-vous qu'elle joue d'une façon magistrale, quelle doigté, quelle expression ? Dans ma jeunesse, on ne jouait ainsi que dans les concerts. Mais aujourd'hui, des jeunes filles de 18 à 20 ans font avec le clavier des prodiges dignes d'un professeur. Je suis certaine qu'elle vous plaira beaucoup, Clément. » Je dus rougir à ces paroles. N'étais-je pas séduit déjà ? Elle aime passionnément la musique, j'en suis sûr. Non, parce qu'elle s'est livrée à des extravagances ridicules à cet égard, comme font certaines jeunes filles, mais parce que ses yeux brillaient lorsqu'elle me parla du bonheur que son piano lui avait procuré depuis son enfance. Elle a soupiré un peu en disant cela. J'imagine que la pauvre fille n'a guère connu d'autre bonheur. Et quel prix a-t-elle demandé, mère ? Ah, vous voilà bien, cher Clément. C'est le commerçant qui perce, s'écria ma mère. Dieu bénisse, ma bonne mère. Je n'avais fait cette question sordide que pour cacher la joie folle de mon cœur. Que me faisait cependant que cette jeune fille aux yeux noirs donna des leçons à ma nièce ? Non più mesta. Pourquoi donc mon cœur était-il rempli d'un tumulte de joyeuses émotions ? Et pourquoi mon regard se détournait-il ainsi de celui de ma mère ? Eh bien, mon cher Clément, le prix est presque ridiculement modéré, ajouta ma mère. Il n'y a qu'une seule chose qui pourra paraître un inconvénient, non pas pour moi, mais pour vous. Je demandai quelle était cette chose. Y avait-il là, pour moi, quelque désappointement glacial ? Voilà ce que c'est, dit ma mère avec hésitation. Mademoiselle Wentworth est occupée presque toute la journée, car ses élèves demeurent à de longues distances les unes des autres, et elle perd beaucoup de temps à courir. Il en résulte qu'elle ne peut consacrer à Lizzie qu'une heure le matin de très bonne heure, ou le soir assez tard. Moi, je préférais le soir, car j'aimerais assister aux leçons. Mais il faut savoir si le bruit du piano ne vous ennuiera pas pendant que vous serez à la maison. Si cela m'ennuiera, m'ennuierai-je à entendre l'harmonie des sphères célestes ? En dépit de la fausseté et de l'hypocrisie qui s'était développée en moi depuis la veille, je peux à peine répondre que je ne pensais pas que la leçon me gênerait. « D'ailleurs, le plus souvent, vous serez absent, Clément, » dit ma mère. « Oui, » répondis-je, « j'ai toujours la ressource de sortir, si la musique me gêne. » Le lendemain, en revenant de la cité, je ressentis ce qu'éprouve l'écolier qui tourne le dos au collège la veille des vacances. La voiture de place qui m'amenait s'était transformée en char enchanté qui me portait triomphalement à travers un pays splendide et brillant. Les faubourgs, éclairés par le soleil, étaient des clairières magiques, et j'aurais été à peine surpris de voir les fruits de diamants d'Aladin pendre aux branches des arbres fruitiers, ou les ailes gigantesques de roc de Sinbad couvraient la colline de Sydenham de leur ombre. La terre était devenue un pays féerique, et je me défendais en vain contre l'influence subtile qui m'entourait. Quoi ? Étais-je donc amoureux ? Étais-je amoureux d'une jeune personne qui m'était apparue 48 heures avant ? Moi qui avais fait la cour aux demoiselles Balderby, qui avais presque perdu mon cœur dans les filets de Lucy Sedwick, la sœur du chirurgien, qui avait eu une correspondance suivie avec Lara Carpenter pendant près d'une année, avec la sanction de nos familles respectives, et qui, malgré toutes ses précautions, avait été ignominieusement repoussée au profit d'un prêtre évangélique. Moi, qui avais ri de la passion, j'ai là, dans mon pupitre, une longue mèche de cheveux de Mademoiselle Carpenter, scellée dans une feuille de papier à lettres, sur laquelle j'ai mis l'épigraphe brutale de Swift, rien qu'un cheveu de femme. Devais-je, à la fin, me prendre à deux yeux noirs et un profil raphaélesque ? Ces ailes qui avaient traversé tant de flammes sans encombre devaient-elles se brûler à la première étincelle de ce feu ? Tantôt j'étais honteux de cette folle passion. L'instant d'après, j'étais fier de cet amour. Je rajeunis tout à coup de 10 ans, et mon cœur brûla sans partage d'un dévouement chevaleresque pour cette charmante étrangère. Je me raisonnais, je tournais ma folie en ridicule, mais je cédais comme le premier venu à cette douce attraction. Je donnais 5 shillings au cocher de mon cab. N'était-il pas naturel de lui donner une gratification extraordinaire pour le payer du voyage qu'il me faisait faire dans un pays enchanté ? Quel était ce jour-là le menu du dîner ? J'ai une vague idée que nous eûmes une tarte aux cerises, du veau rôti, des sols frites, de la pâtisserie et une sauce aux anchois, le tout mêlé ensemble. Je sais que le repas parut durer 6 heures au moins, et cependant il n'était que 7 heures quand nous passâmes au salon. Mademoiselle Wentworth ne devait venir qu'à 7h30. Ma nièce était folle d'impatience et courait sans cesse à la fenêtre pour voir si sa nouvelle maîtresse arrivait. Elle se donnait là, la pauvre enfant, une peine bien inutile, car du fauteuil où je m'étais assis pour lire les journaux du soir, je voyais le chemin par lequel Mademoiselle Wentworth devait arriver. Mes regards quittaient fréquemment la page que je lisais et se fixaient sur la route poudreuse. Tout à coup, j'aperçus une jeune fille à taille élancée, tenant une mauvaise ombrelle à la main, se diriger vers notre maison. J'aperçus ce visage que j'ai la faiblesse de croire le plus beau du monde entier. Depuis cette époque, Mademoiselle Wentworth vient 3 fois par semaine. Il se trouve que je ne me suis pas senti agacé le moins du monde par Non Pio Mesta, non plus que par les gammes en ton majeur aux mineurs, qui, lorsqu'elles sont exécutées par une main inexpérimentée, ne sont pas précisément séduisantes à entendre. Je lis mes livres ou mes journaux, ou je me promène sur la pelouse pendant le cours de la leçon, et de temps en temps, j'entends la jolie voix de Margaret. J'écris Margaret, car ce nom de Wentworth est fort ennuyeux, qui explique l'importance de la position du poignet, de la tenue du pouce, ou d'autres remarques non moins intéressantes. Puis, lorsque la leçon est terminée, ma mère s'éveille de son demi-sommeil et offre une tasse de thé à Margaret, qui refuse d'abord et finit par céder. Alors nous restons à causer dans la demi-obscurité d'une soirée d'été ou à la douce lumière d'une lampe placée sur le piano. Nous causons littérature, et c'est une chose étonnante que l'accord parfait qui existe entre les goûts et les opinions de Margaret et les miens. Mademoiselle Carpenter était ridicule sur cette question. Elle trouvait Carlyle absurde et ne comprenait pas Dickens comme elle voulait le faire croire. J'ai prêté quelques livres à Margaret. Une pluie de feuilles roses desséchées s'est échappée des pages de Wilhelm Meister quand elle m'a rendu ce volume. Je les ai mises sous une enveloppe que j'ai cachetée. À propos, je crois que je ferais bien de brûler les cheveux de Mademoiselle Carpenter. Bien qu'il n'y ait qu'un mois que j'aperçus la petite affiche à Wandsworth, Margaret et moi, nous sommes de vieux amis. Au bout d'une année, Mademoiselle Carpenter et moi, nous étions loin, plus loin que jamais, je crois, de nous comprendre. Mais avec Margaret, je n'ai pas besoin de paroles pour savoir que je suis compris. Un regard, un sourire, un mouvement de cette tête gracieuse sont plus éloquents que la lettre la plus compacte de Mademoiselle Carpenter. Ses amis disaient que cette dernière était ravissante. Elle appelait Byron un amour et Shelley un ange. Mais si par hasard, vous lui citiez des vers qui ne figurassent pas dans les poésies choisies, dans la couronne de perles poétiques ou dans les poètes de salon, il lui était impossible de reconnaître si vous disiez du Byron ou du Ben Jonson. Mais avec Margaret, Margaret, quel joli nom! Si je ne vivais pas dans la terreur profonde du Nouveau-Zélandais qui publiera ce manuscrit, je crois que je me laisserais aller à remplir 1 ou 2 pages de ce nom charmant. Si le Nouveau-Zélandais usait de son autorité d'éditeur pour supprimer mes extases, il m'apporterait peu. Mais il trouverait là-dedans un texte pour des commentaires profonds sur les manières et les usages des amoureux anglais. Tâchons d'être raisonnables sur ce point, cher enfant adoré. Mais que fais-je? Qui me dit qu'il ne va pas surgir un nouveau prêtre évangélique? Nous sommes déjà de vieux amis, et cependant je sais bien peu de choses de son histoire. Elle évite toute allusion à sa famille et à son histoire passée. Quelquefois elle a parlé de son père, toujours tendrement mais toujours avec un soupir, et j'ai cru voir qu'elle s'assombrissait quand elle y faisait allusion. Toute amie que nous sommes, je n'ai pu la décider à se laisser accompagner chez elle, quoique ma mère ait suggéré qu'il serait convenable que je le fisse. Et elle est habituée à sortir seule, dit-elle, le soir aussi bien que le jour. La crainte lui paraît étrangère. Il faudrait être un animal bien féroce pour s'attaquer à une créature aussi pure et aussi séduisante.